après tant d'années passées. J'avais presque oublié comment on s'était aimé quand on s'est rencontré. Maintenant j'ai la nostalgie de ces moments infinis où l'on s'était promis de s'aimer pour la vie. J'aurais dû chanter confiance à tort, et tes cheveux lâchés, décolletés, tes lèvres maquillées en beauté, je ne te voyais plus briller. Pourtant, j'aurais dû chanter.